Si votre plus récente est une information de sport local et régional, au microphone de Denis Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional avec, en parlant de Marianne Saint-Gelais qui a très bien fait en fin de semaine au championnat du monde de patinage de vitesse sur courte piste. Marianne a récolté 3 médailles d'argent. Elle a négocié d'abord le parcours avec un temps de 2 minutes 34 secondes et 837 centièmes. Au 1000 mètres, Marianne Saint-Gelais a gagné la médaille d'argent avec un temps de 1 minute 30 et 835 centièmes. Et au 500 mètres, Marianne Saint-Gelais a obtenu la deuxième position avec un temps de 43 secondes et 630 centièmes. Au relais, l'équipe canadienne a pris le cinquième rang. Parlons maintenant de hockey. Fiche de 500 pour les Saguenay de Chicoutimi en fin de semaine. Les Saguenay qui ont perdu 3-1 contre l'Armada de Blainville-Beaubriand. Nicolas Roy a marqué le seul but des Sags. Et hier, les Saguenay ont gagné contre les Tigres de Victoriaville 5-2. Joey Ratel et Olivier Galipeau, 2 buts chacun. Il y a Nicolas Roy qui a marqué un but et a amassé 2 passes. Dimitri Zoukenov, 4 passes. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont écrasé les Foreurs de Val-d'Or 9-3 et 6-2 dans le cadre des deux matchs en fin de semaine. Les Marquis de Jonquière et les Prédateurs de Laval, la série est égale 1-1. Hier, les Marquis ont gagné 5-3, 3 buts pour Hugo Carpentier. Il y a Samuel Groux et Yukav Komnik qui ont marqué. Et vendredi, les Marquis s'est habitués à un gardien bien en très grande forme, soit Adam Rousseau, qui a bloqué 38 lancés. Les Marquis qui avaient perdu 2-0. Sur la scène régionale, la saison des Sabres de Robertval est maintenant chose du passé. Les protégés de Jason Agenès sont inclinés 6-3. Il y a Jesse Saint-Pierre qui a marqué un but et a amassé une passe. Il y a Tommy Villeneuve qui a marqué. Les Aiglons qui ont remporté la série 3-2. Maintenant, du côté des Éperviers de Normandin, ils ont subi deux revers en levée de rideau de leur série. Vendredi soir, défaite de 8-3 contre les Saguenay de Chicoutimi. 2 buts pour David Gagnon ainsi que Samuel Larouche. 2 passes pour Vincent Boivin. Et samedi, défaite de 4-2 contre les Saguenay de Chicoutimi. Et pour les Éperviers, Jonathan Bérubé et Yannick Bérubé ont marqué des buts pour les perdants. Les ambassadeurs de Chicoutimi dans le niveau midget ont gagné à 2 reprises en fin de semaine. Ils ont gagné contre les Aiglons d'Allemagne dans leur série. Ils mènent 2-0 dans la série. Les ambassadeurs qui ont gagné 4-2 dans le premier match. David Gagnon a marqué 2 buts. Il y a Antoine Proulx qui a marqué également un but de passe et Philippe Girard. Et dans le deuxième match, les ambassadeurs ont gagné 6-1 contre les Aiglons d'Allemagne dans la partie 2 filets pour Mathias Boivin. Un but de passe plutôt pour Mathias Boivin. Louis-David Gagnon et Antoine Simard ont aussi marqué 3 passes pour Julien Paquette et 2 passes pour Michael Sepacchio. Les Rapides de Boom City ont gagné leur série. C'était une série 4-7, mais finalement la Ligue a décidé d'arrêter la série qui les opposait à Chibougamau. Les Rapides qui ont gagné 15-0 et 12-2. Ça s'est déroulé en fin de semaine dans le secteur de Dolbeau et dans le secteur de Mississini. Niveau Bantam, les Hurricanes de Mastouillache ont gagné à 2 reprises contre le National de la Baie dans leur série. Ils ont gagné 7-2 et 4-2. Et on n'a malheureusement pas les pointages. Et au curling, l'équipe de Christopher Gagnon a perdu en demi-finale junior dans les Laurentides au cours du week-end. En demi-finale, l'équipe de Christopher Gagnon a perdu 7-3. Ils avaient très mal commencé leur tournoi. Ils avaient perdu les deux premiers matchs. Mais finalement, l'équipe s'est ressaisie pour se rendre en demi-finale. Et maintenant, il y a une autre équipe au niveau féminin qui est en qualification. Et dans cette équipe, il y avait la formation Mélanie Perron de Boom Sesni. Elle s'est inclinée 6-5 sur la dernière boue, sur la dernière pierre du match. Le sport local et régional, à danradiosport.com.